Elle s'assit. Ils restèrent pendant quelques instants à côté l'un de l'autre, embarrassés tous les deux, les bras inertes et encombrants, et sans se regarder en face, à la façon des paysans. Le fermier, gros homme de 45 ans, deux fois veuf, jovial et têtu, éprouvait une gêne évidente qui ne lui était pas ordinaire. Enfin, il se décida et se mit à parler d'un air vague, bredouillant un peu et regardant tout loin dans la campagne. « Roy, dit-il, est-ce que tu n'as jamais songé à t'établir ?» Elle devint pâle comme une morte. Voyant qu'elle ne lui répondait pas, il continua. « Tu es une brave fille, rangée, active et économe. Une femme comme toi, ça ferait la fortune d'un homme. » Elle restait toujours immobile, l'œil effaré, ne cherchant même pas à comprendre, tant ses idées tourbillonnaient comme à l'approche d'un grand danger. Il attendit une seconde, puis continua. « Vois-tu, une ferme sans maîtresse, ça ne peut pas aller, même avec une servante comme toi. » Alors il se tut, ne sachant plus que dire, et Rose le regardait, de l'air épouvanté d'une personne qui se croit en face d'un assassin et s'apprête à s'enfuir au moindre geste qu'il fera. Enfin, au bout de 5 minutes, il demanda « Eh bien, ça te va-t-il » Elle répondit avec une physionomie triste « Quoi, notre maître ?» Alors lui, brusquement, « Mais de m'épouser, paradine !» Elle se dressa tout à coup, puis retomba comme cassée sur sa chaise, où elle demeura sans mouvement, pareil à quelqu'un qui aurait reçu le coup d'un grand malheur. Le fermier, à la fin, s'impatienta. « Allons, voyons, qu'est-ce qu'il te faut alors ?» Elle le contemplait, affolée. Puis, soudain, les larmes lui vinrent aux yeux, et elle répéta deux fois en suffoquant. « Je ne peux pas, je ne peux pas. « Pourquoi ça ?» demanda l'homme. « Allons, ne fais pas la bête. Je te donne jusqu'à demain pour réfléchir. » Il se dépêcha de s'en aller, très soulagé d'en avoir fini avec cette démarche qui l'embarrassait beaucoup, et ne doutant pas que le lendemain, sa servante accepterait une proposition qui était pour elle tout à fait inespérée, et pour lui une excellente affaire, puisqu'il s'attachait ainsi à jamais une femme qui lui rapporterait certes davantage que la plus belle dot du pays.